Chapitre 24e, le bobo. De ma fièvre, il me reste au bord de la lèvre inférieure une petite tumeur arrondie et dure. Je passerai le jour à la mordier, à l'écorcher, à la rendre hideuse comme une punaise écrasée. Je ne lève plus les yeux sur Madame Bernet, et je lui parle avec un contournement de cou qui me fait mal, ou, rabattant ma lèvre et mes dents du haut sur le bouton, je l'enferme et le tiens opiniâtrement caché. Mon palais en goûte l'aigreur. Pour varier, je tâche de disparaître derrière ma main en éventail. Je louche et je compte mes doigts. À table, c'est un supplice. Je mange vite, le nez dans mon assiette, les morceaux pressés, et je construis un rempart avec l'huilier, la carafe, les bouteilles vides ou pleines. Mal élevé, je garde tout près de moi. Cependant, je voudrais savoir ce que Madame Bernet pense de mon affaire. Elle souffre de ma gêne. Elle ne montre aucune répugnance et ne se penche pas du côté de la fenêtre. Elle me regarde franchement, enfin n'y tient plus et veut me ragaillardir. Madame Bernet. Ces maisons de bois sont si mal closes que les bêtes y entrent comme chez elles. Toute la nuit j'ai été dévorée. Henri. Si encore elles étaient propres, ces bêtes. Madame Bernet. Ce n'est pas qu'elles soient sales, mais elles piquent. J'ai les yeux tout enflés. Ce matin je ne voulais pas descendre. Henri. Alors j'aurais bien fait de rester chez moi, avec ma lèvre. Madame Bernet, quelle donc lèvre? Comment, quelle donc lèvre? Ne voyez-vous pas? Madame Bernet, bon, qu'est-ce que cela? Regardez ce que j'ai moi, près de la tempe. Henri, j'aperçois avec beaucoup de peine un imperceptible point blanc. Peut-être même est-ce une pellicule. Pour ma part, je suis confus et je vous fais mes excuses. Mon sale bouton est horrible à voir. Madame Bernet, je vous assure qu'il n'est pas si vilain que ça. Henri, quelle charmante femme vous êtes. Ainsi, ce que je redoute tourne à mon avantage. Si j'insistais, elle trouverait mon bouton joli, et qu'une mouche habile l'a posé sur ma lèvre pour le plaisir des yeux. Je ne sais par quel hommage lui prouver ma gratitude, et je m'attrape une fois de plus. Je me gourmande durement car je n'ai eu cette nuit, à l'égard de cette femme exquise, que des pensées mauvaises. Réhabilité, j'oublie mon bouton. Je donne un gros sou à un mendiant, en ayant l'air de lui dire, comme si je lui faisais une rente perpétuelle, « Tiens, mon ami, ne travaille plus, amuse-toi, vis largement. » Puis j'entreprends l'éloge de M. Bernet, et je vante son bonheur. Madame Bernet. « À propos, j'ai reçu une lettre. Il arrive demain avec notre nièce. Vous verrez Marguerite, un enfant, mais un gros enfant. À 16 ans, elle est plus grande que moi. Je ne mettrai pas son corset, et je ne trouve pas le bout de ses bottines. » Il vous faudra jouer avec elle, vous dévouer, redevenir petit garçon. Elle vous donnera des coups de poing, vous fera des bleus, vous posera des questions. Vous me relairez car elle me fatigue. Impossible de penser à côté d'elle. Il est indispensable qu'elle bavarde, qu'elle lutte à main plate. Sa poupée a plus de raison qu'elle. Je l'aime beaucoup. Elle a bon cœur. Je ne lui reproche que d'être insignifiante. Il me semble qu'à son âge, j'avais déjà mes idées à moi. Je tâchais de comprendre la vie dont elle se moque. Enfin, s'il vous ennuie trop, ne vous gênez pas, rabrouez-la. C'est une gamine qui ne tire pas à conséquence. Chapitre 25e, scène. Sur la butte, encore. La nuit est tombée. Devant nous, toute la mer. Derrière nous, le carré des pommes de terre qui remue et l'agitation d'ailes, le bruit de gorge des pigeons qui s'endorment. Des souvenirs de théâtre me reviennent. Il me paraît qu'une scène se prépare. Et comme si nous repassions nos rôles, nous nous taisons et nous écoutons en nous la montée lente des choses à dire. Plus tard, Madame Bernet m'affirmera qu'elle a lutté, qu'elle s'est désespérément défendue contre moi, son honorabilité raidie ainsi qu'un bras tendu. Et moi aussi, je lutte. J'ai traditionnellement écrit, déchiré, recommencé et enfin brûlé une lettre que je regrette comme si j'avais mis mon cœur en cendres. Par quel mot effaroucher le silence? Il vaudrait mieux ne point parler, et par un rapprochement gradué de nos corps, faciliter la pénétration de nos pensées. Demain, nous ne serons plus seuls. Parfois, grossièrement tenté, j'ai envie de poser ma main sur le front de cette femme, de la serrer aux tempes avec violence, et de lui dire « Allons, pas tant de raison, lève ta robe !» Mais la douceur de l'air, la phosphorescence des vagues, le recueillement de la nuit, ma peur. Je ne sens pas en train pour faire le malin, et je retiens ma gaudriole comme un homme qui perd tout à coup sa gaieté en longeant le mur d'un cimetière. Ce serait plus commode s'il s'agissait de la demander en mariage. Je me composerai une fois de plus un ami de circonstance auquel je donnerai toutes les qualités et un ou deux défauts. Elle me comprendrait. Nous parlerions posément en gens qui font une affaire pour un homme de paille. Nous discuterions sans trouble. Elle dirait « Habite-t-il la province ?»« Vous savez que s'il habite la province, je n'en veux pas. Restons sans là. » Ou bien « Fume-t-il au moins ?»« Un homme qui ne fume pas n'est pas un homme. » Ou bien encore « Est-il brun ou blond ?»« Je préfère qu'il soit blond. » »« C'est peut-être moins beau qu'un brun pour commencer, mais c'est meilleur teint, et ça dure jusqu'à la fin. » Malicieusement, elle dénigrerait en lui ce qu'elle apprécie en moi. Selon que mon ami me serait un rival ou un repoussoir par contraste, j'avancerais ses affaires ou les déferais. Nous nous amuserions, sérieux. Enfin, avec la gravité d'un haut fonctionnaire qui dit à l'huissier « Faites entrer !» Madame Vernet dénouerait la comédie maribaudante. « Présentez cet ami. » Quel échec pour lui, quelle victoire pour moi, quand je trouverai opportun d'apparaître ma toux faune qui soulève des branches. Mais il ne s'agit que de l'emprunter. Le menton au creux de sa main, elle m'attend. Bien que je l'aime de tout mon cœur, je trouve son attitude disgracieuse. Elle s'est ramassée en grenouille de jeu de tonneau, et son buste, ses reins, informe masse d'ombre, occupe trop de place. Sa tête se détache de profil, palote de froid, silhouette à la craie sur un fond de charbon. Mon regard glisse sur le front, tombe dans le noir de l'œil, se relève à la pointe du nez, ou passe entre les lèvres ouvertes comme un cran de mire. Me dandinant, je lui mesure des reflets de lune, comme on dispose les rideaux d'une chambre de malade. Le silence nous importune plus qu'un bavard. Henri, est-ce que vous dormez, chère madame? Est-ce l'odeur du tamarin qui vous entête, ou sphinx de faïence pour cheminer, rêvassez-vous? Madame Vernet, quand serez-vous polie? Il est temps que mon mari revienne me défendre. Henri, contre moi ou contre vous? Madame Vernet, contre l'ennui. Henri, vous avez trop d'esprit. Je ferai ma malle cette nuit, et je partirai demain. Madame Vernet, bon, qu'avez-vous besoin de faire le fantasque avec une vieille femme comme moi? Henri, je partirai demain. Madame Vernet, dites ce qui vous prend. Henri, tenez, madame, vous n'êtes plus jeune, mais convenez que vous n'êtes pas encore vieille, vieille. Vous vous dites, ce garçon n'est pas beau. Aucun danger. Il m'amuse, m'intéresse et m'émeut quand il dit des vers. C'est une anthologie, on n'a qu'à l'ouvrir. Nous allons faire ensemble de l'amour spirituel. Il sera mon troubadour. Quand je le ferai chanter, il me semblera qu'on me caresse l'oreille avec le dos d'un chat. S'il veut me toucher, je crierai « À bas les pattes, poète !» Dieu merci, mes sens ne me tourmentent plus. Je trouve même qu'on accorde trop d'importance à la chose. Oui, à la petite convulsion physique. Ce qu'il faut remplir, c'est mon cœur. Heureuse femme, je m'installerai à l'aise pour un long spectacle, et les narines ouvertes, j'attendrai le nuage d'encens. Je dirai, allume les brûle-parfums, l'heure est venue de flairer quelque arôme. Je me compromettrai un peu, et les bonnes amies siffleront. Elle a son poète de poche, qu'elle garde pour elle, au chaud, dans ses jupes. Mais quand on est très honnête, on peut s'offrir des douceurs et récompenser sa vertu. Est-ce que je trompe mon mari, oui ou non? Toute la question est là. D'ailleurs, vous voulez rire, à mon âge. Songiez-vous, madame, que vous pouviez m'arracher le cœur comme ceci? Je me baisse et je saisis un pied de pomme de terre. Il résiste. Je suis obligé de m'y reprendre à deux fois. Puis il cède et je me promène de long en large sur la butte, le souffle fort, écrasant des feuilles dans mes doigts, et lançant de temps à autre avec un éclat de voix une pomme de terre à la mer. Madame Vernet, interdite, ne bouge pas. Mes paroles, comme si je les avais jetées au creux d'un puits profond, n'ont pas encore retenti en elle. Enfin, à mon passage, elle me prend la main, me fait asseoir sur le banc et me dit, presque sévère, « Vous me faites beaucoup, beaucoup de peine. » Elle reprend. « Voulez-vous que nous causions un peu ?» « Car, mon pauvre ami, vous n'avez dit jusqu'ici que des sottises. Elles ne comptent pas. Croyez que déjà je les ai oubliées, et répondez-moi comme à une mère. » Mais je me relève et, plein de colère, je crie. « Bon sang de bon sang, vous n'êtes pas ma mère, vous êtes une femme que je veux, là, Êtes-vous contente? Suis-je assez brutale? Madame Vernet. Les femmes ont dû vous faire bien souffrir pour que vous les méprisiez tant. Henri. Quelle femme? Ah, c'est vrai, vous me prenez pour un viveur. La tradition est là. Le poète est un dresseur de femmes. Il ouvre les bras en demi-cercle. Une femme saute dedans. Il ploie le genou. Une femme s'assied dessus. Il se met sur le ventre. Une femme docile se couche le long de lui. Sur nos calepins sont inscrites des listes de noms. Qui vous détromperait? Je ne sais pas si mes confrères sont plus heureux que moi, mais ma part a été insuffisante. Quand j'avais bu deux bocs et mangé une choucroute, je disais « Matin, quelle noce !» Vrai, je ne mentais pas absolument, car je n'aime ni la saumure ni la bière. Et en risquant un mal de cœur, je méritais de moi-même et je pouvais montrer la pâleur de mon visage comme la dépouille d'un ennemi vaincu. Quant aux femmes qui m'ont fait en souffrir, comme vous dites, je les absous en public et solennellement. Elles étaient innocentes de mes peines, les pauvres. J'affirme qu'elles n'y entendaient pas malice. Si j'ai pleuré, tant pis pour moi, rien ne m'y obligeait. M'entendez-vous reprocher aux femmes de mon passé les tourments auxquels mon âme fut soumise? N'est-ce pas moi, plutôt, qui leur dois des excuses? Plus d'une fois, dans mes nuits d'orgie, il m'est arrivé de me réveiller en sursaut. Quelque chose remuait sur le lit. Je saisissais, je lançais au milieu de la chambre une masse poilue qui se mettait à crier furieusement. C'était le petit chien de ma femme, car nous les appelons ma femme, ses chères filles, pour jouer à la famille, et nous donnait l'air de supporter des charges. Elle me disait « Sois gentille, fais-lui une place. » Elle m'aimait moins que son chien. Je ne m'en sentais pas humilié. Je me collais contre le mur, et nous nous rendormions tous les trois. Ainsi, ma vie de cœur est vieille d'une dizaine de nuits à prix fixe, et ma science de la femme se compose d'une courte étude sur son goût excessif pour les petits chiens. Je suis vierge, ou peu s'en faut, et je dirais de moi volontiers, c'est bon comme du neuf. Madame Vernet, si vous êtes sincère, je regretterai éternellement de vous avoir connue. Henri, pourquoi? Votre vie était insipide, mettez-y le charme d'une torture. Madame Vernet, j'aime mon mari, monsieur. Henri, plaisantez-vous? Je parlais chien tout à l'heure. Vous aimez votre mari comme un gros chien, cela ne me gêne pas. On n'est pas jaloux d'un gros chien. Madame Vernet, vos insolences, l'étalage de vos sentiments vrais ou faux, votre manque de tact et l'habileté avec laquelle vous abusez de ma situation me font en effet comprendre que votre présence ici sera impossible et je devrai renoncer à une bonne amitié que je croyais réciproque. Henri, ta ta. Si, le gilet vaguement ouvert, je vous disais, madame, lisez dans mon cœur. Il ne s'y passe rien que de pur. Ce que j'aime en vous, c'est la grandeur de votre intelligence, l'élévation de vos rêves et la hauteur de vos pensées. Vous me prendriez pour un architecte. Et si j'ajoutais, oui, enfermez hermétiquement votre corps dans une boîte en fer, cachetez vos lèvres, mettez votre chair sous clé, c'est de la matière, et je ne veux de vous que l'esprit. Vous me traiteriez de béjaune en murmurant, je ne suis pourtant pas si déjeté. Et vous auriez raison car vous êtes une admirable femme et je veux tout ou rien. Inhabile à caresser une femme vêtue, je tire machinalement une boucle de ses cheveux. Elle fait un geste de la main comme pour écarter une mouche. Madame Vernet. Oh, vous m'avez fait peur. Henri. Vous voyez bien. Pourquoi ne se lève-t-elle pas? Attend-elle que je m'en aille le premier? Je n'ai plus rien à dire, et je reste dans le doute pénible qui suit les examens. Madame Vernet. Quel malheur, vous, si bien douée. Je devine qu'elle exagère. Elle me voit perdue si elle résiste, indifférent à la gloire et laissant mourir mon beau talent en fleurs dans un verre vide. Si elle succombe, au contraire, quel ennui. Elle imagine une vie de mensonges, des alertes, des taches de sang même. Je ne peux pourtant pas lui dire que l'amour le plus dru marche 6 mois à peine, 1 an au plus, qu'on s'habitue à l'adultère, qu'on peut avoir avec l'envie de se venger, la peur des armes à feu et qu'un malheur prévu n'arrive jamais. Tous les partis l'effraient par leur apparence d'immutabilité. Si je m'en vais, il refera brumeux autour d'elle. Si je reste, elle devra accepter toutes les conséquences de mon voisinage. Madame Vernet. Pourquoi faut-il que vous m'ayez connue? Que faire? Henri. Que faire? Me voilà jolie. J'étais tranquille, je travaille en paix, me disant « Si j'ai quelque talent, le monde finira par s'en apercevoir. » D'abord, vous ne m'avez pas troublé. Je pensais, oui, sans flatterie, c'est une femme supérieure. Qu'elle m'accorde une affection de camarade. Je la consulterai sur mes projets, et plus tard, quand mon nom sonnerait gentiment, comme une clochette neuve, je tournerai sans cesse la tête vers elle pour lui demander conseil, et elle me dirait, allez, mais allez donc, avec un bon sourire. Madame Vernet, mon pauvre enfant, croyez-en une femme qui a presque le double de votre âge. Votre cœur vous jouera de vilains tours. Et avec brusquerie, elle m'a embrassé sur la joue en sœur. Mon émotion me venait de mes paroles. Étreignant les poignets de Madame Vernet, « Aime-moi, Blanche !» lui criai-je. « Je t'en supplie, aime-moi !» Elle se leva, droite, cambrée, et seulement de la tête me fit signe que non. La blancheur de son cou tentait mes dents. Ses yeux troublés s'avançaient sur moi comme des yeux morts photographiés. Je lui soufflais encore, mes doigts griffant ses épaules. « Aime-moi, dis, aime-moi !» Mais elle me parut une ennemie en garde, impénétrable. L'attraction de mon âme ne déterminait pas la sienne. Dressé sur la pointe des pieds, le corps détendu, pareil à un animal qu'on veut noyer qui s'accroche au rivage, et la langue lapante pousse des soupirs, je fis un vain effort pour absorber cette femme et je ne baisais que du vent. Mes bras se détachèrent d'elle et retombèrent comme un linge mouillé. Elle traversa la butte sans se hâter et descendit l'escalier de planches qui rendit le gémissement d'un ivrogne couché qu'on dérange. Elle s'éloigna, étonnamment grandie, souveraine de mon être en suspens. Elle disparut. Chapitre 26e. Je reste. La sécurité de mon parasitisme est compromise. J'ai dispersé les plumes de mon nid douillet. Il va falloir déguerpir. Mais je ne regrette pas seulement Madame Vernet. Je regrette encore ce bien-être, cet état d'esprit où je me sentais chez moi. Cette aisance des gestes et de la parole, ces chatouillements à ma vanité, cette admiration crédule que je savourais, la bouche en suçoir. Je regrette les causeries sentimentales, où ma personnalité, comme un ventre plein, prenait des pauses libres, où je me communiquais en manche de chemise. Plus que la nourriture du corps, je regrette les compliments au point ironique, les exclamations, les signes d'assentiment, les « vrais, on peut dire que vous en avez, vous, du talent ». Je regrette les prédictions qui mettaient l'avenir à mes pieds comme un tapis. Je fais ma malle, je place, déplace mes trois paires de chaussettes. Un caleçon en main que je ne me décide pas à caser, je souris à mes souvenirs. Je traîne de temps en temps ma malle sur le plancher, afin que Madame Vernet devine mon projet de départ et au moyen d'un cri d'angoisse s'y oppose. Je la ferme avec bruit, m'assieds sur le couvercle, et regarde les filets qui pendent au mur, les lignes roulées sur leur cadre de bois, les lampions qui servent à tous les 14 juillet, les drapeaux chiffonnés qu'on a jetés dans un coin comme après une bataille pour rire. C'est bien de ma faute si ce qui arrive arrive. Je paye ma butorderie. Je partirai, mais des lâchetés attendent ma résolution au passage. Madame Vernet ne m'a pas formellement donné congé. Je peux lui tendre la main, sans avoir l'air de rien. Elle oublierait certaines injures et ne se rappellerait que les plus flatteuses. Si elle hésitait, je lui dirais « Montrez que vous êtes une femme d'esprit, pour n'obtenir une bêtise. » Ensuite, j'ai une humiliation près. Quand une femme vous donne un soufflet, on attrape son bras au vol et on le tord jusqu'à ce qu'elle reconnaisse qu'elle voulait caresser. Ainsi, je faisais le compte de mes chances de disgrâce, rouvrant ma malle pour la refermer, oubliant cette fois une chemise et cette autre, un compartiment entier. Je préparais ma réponse à cette question. « Qu'est-ce que vous avez remué toute la nuit ?»« J'ai fait ma malle. » Je laisserai tomber ce magique « J'ai fait ma malle » sans chercher à produire un effet, sans tristesse d'apparat. Pouvais-je prévoir que Madame Vernet trouverait un mot d'esprit et de cœur, un mot fondant dont la saveur se répandrait presque matériellement en moi et que je coûterais comme un communiant? Pouvais-je espérer qu'elle me dirait, innocente et subtile, « Restez pour mon mari ». Chapitre 27e. Je rends des services. Nous attendons à la gare M. Vernet et la nièce. Le petit train, pareil à ceux qui tournent aux fêtes des banlieues, siffle de joie, fier des farouches et des poulains qu'il couperait comme vent. Des têtes se montrent. Un mouchoir s'agite. Madame Vernet. Regardez sa bonne figure. J'aperçois la bonne figure. Un bœuf est monté en seconde. Le petit train s'avance avec des précautions, des temps, mais on ne le prend pas au sérieux. Et les quatre ou cinq voyageurs sont descendus, tirant leurs paquets, qu'ils remuent encore. Ils poussent des cris aigus comme un maître d'école qui ne parvient pas à dominer sa classe. Pendant que la famille s'embrasse, je me tiens à l'écart et je demanderai à M. Vernet sa couverture de voyage pour me donner l'air d'en être aussi, moi, de la famille. Je trouve les effusions de mauvais goût. Et je crierai « Je suis là. Il y a quelqu'un qui vous regarde. Contenez-vous. » Madame Vernet a une crise quand elle embrasse Mademoiselle Marguerite. Elle dit « Oh, ma grande fille !» Pleure, pâlit, se trouve mal. Monsieur Vernet la conduit au cabinet du chef de gare, si j'ose m'exprimer ainsi. Elle s'assied. Cela va mieux. « C'est les nerfs, » me dit Monsieur Vernet qui lui tient la main. Il lui passe sur les tempes un mouchoir grisaillé, un mouchoir qui a fait un long voyage. Je réponds « Oui, c'est les nerfs, ça ne sera rien. » Toute l'administration du chemin de fer est rangée autour de nous, compatissant. Chacun pense, comme moi, que cela ne peut pas être grand-chose. Mademoiselle Marguerite, un sac de cuivre rouge sur le ventre, dit par intervalles égaux « Comment vous portez-vous, ma tante ?» L'effet qu'elle a produit sur sa tante l'a d'abord étonnée, et une grosse envie de pleurer contenue lui gonfle les lèvres, bouffit les joues, les yeux vont disparaître. Madame Vernet reprend ses sens un à un, y compris le sens du ridicule, qui, plus que les autres, lui a fait défaut. J'interroge Mademoiselle Marguerite. « C'est la première fois que vous venez à la mer ?» Marguerite. « Oh oui, monsieur. » Il se met à rire. Henri. « Êtes-vous contente de voir la mer ?» Marguerite. « Oh oui, monsieur. » Elle se remet à rire. Je me tourne vers Monsieur Vernet. « Henri. « Avez-vous fait un bon voyage ?» Monsieur Vernet. « Vous savez, du moment que le train ne déraille pas, je fais toujours un bon voyage. » Si on me répond bêtement, c'est peut-être parce que je questionne bêtement. Madame Vernet remise, nous partons. Madame Vernet. Est-ce sot de pleurer ainsi sans savoir pourquoi ? Henri. Si on savait pourquoi, ce serait encore plus sot. Elle prend le bras de Monsieur Vernet. Mademoiselle Marguerite marche à côté d'eux, et moi je suis derrière, comme quelqu'un de la maison qui attend qu'on lui remette le bulletin des bagages. On part. Je me donne une contenance. En expliquant la mer à Mademoiselle Marguerite, je dis « Voilà un bateau, voilà un marin. » Elle répond « Oui, monsieur, oui, monsieur. » Et quand elle ne se surveille pas, « Oui, monsieur. » En riant toujours, sans malice. Tous les trois montent aux chambres s'embrasser à l'aise et faire un peu de toilette. Je me promène dans le jardin. Je donne des indications à la bonne pour le dîner, pour distribuer les places, et je tire un seau d'eau. Je voudrais plier les serviettes, mettre les chaises, enfin montrer que je ne suis pas tout à fait une bouche inutile. Je me sens si isolé, si peu invité, que je m'efforce de dire à la bonne des choses familières qui me gagnent la considération et la sympathie de cette brave femme. Je n'ai jamais été plus chez les autres que maintenant. Chapitre 28e. À table, à table. Madame Vernet. Comment la trouvez-vous ? Henri. « Oh, les jeunes filles !» Je hoche la tête et fais la moue, tristement. Madame Vernet est gaie, et je ne lis dans ses yeux ni défi ni promesse. Madame Vernet, « N'est-ce pas qu'on est bien ici ?» Monsieur Vernet, « Je te crois. » Il est incomplet de molleton bleu. La jeune fille regarde les assiettes. Elles sont à fleurs et à légende. L'huilier est à fleurs. La suspension est à fleurs. Les murs sont peints en bleu tendre. Sur la commode, on voit trois globes de verre. Celui du milieu recouvre la couronne de mariée de Madame Cruz. Les deux autres globes emprisonnent des fruits. Sur la cheminée, on voit encore trois globes de verre. Celui du milieu recouvre la Sainte Vierge et le petit Jésus. Jésus a perdu sa tête, mais la Sainte Vierge a sur la sienne une pomme d'or et elle se tient raide, de peur de la laisser tomber, comme si elle attendait la flèche de Guillaume Tell. Les deux autres globes emprisonnent des fruits. Aux deux bouts de la cheminée, deux chiens indescriptibles sont assis sur leur derrière de porcelaine. Dans des cadres dorés pendent des mers, des vaisseaux, des ports, des tempêtes. Devant moi, une glace reflète la manière dont je mange. J'y mire mes gestes, mes bouchées, la propreté de mes moustaches, la distinction de ma main, quand je bois, le petit doigt en l'air. Monsieur Bernet. Trouvez-moi des œufs comme ceux-là, Paris. Voilà un poisson qui n'a pas été conservé 8 jours dans la glace. Arrivé depuis 1 heure, il se sent déjà mieux. Il trouve la soupe bien trempée, comme de l'acier. Il tape fortement sur sa large poitrine. L'air de la mer nourrit. Avec beaucoup de viande autour, car nous mangeons magnifiquement. Nous ne nous arrêtons que pour compter la mangeaille à balai. Madame Vernet, comme un voyageur, se retourne et regarde le chemin parcouru. Elle affecte un goût, jusque-là contrarié, pour la nourriture simple. Elle laisse le vin aux gens des villes et veut boire du cidre. Ses lèvres se resserrent, feuilles de sensitive. Sourit-elle? Grimace-t-elle? Elle aime le pain de ménage, dur, noirâtre au moins, les couteaux qui ne coupent pas, les verres sans pied. Elle souhaite des chutes d'insectes dans les plats. Monsieur Vernet. À la guerre comme à la guerre. Tous, nous éprouvons le besoin de mettre en harmonie nos impressions et les choses qui nous entourent. Monsieur Vernet se lève, bat à la fenêtre, fait un grand geste de bras, puise de l'air, en boit à pleine gorge. Il était temps. Il étouffait dans l'atmosphère viciée qui appauvrit le sang des citadins. Les poumons enfin gonflés, il se remet à manger. Je suis encore vaguement triste. Mais après avoir fait quelques mots d'esprit qui égayent la société, je reprends conscience de moi-même. Monsieur Vernet. Vous avez joliment graissé depuis que vous êtes là. La mère vous a refait le coffre. Seulement, il faut manger. Il me remplit mon assiette. En silence, nous luttons à coups de dents. Madame Vernet répète qu'elle adore le pain dur. Monsieur Vernet lui passe toutes ses croûtes. Mademoiselle Marguerite ajoute les siennes et j'offre timidement les miennes. Cela devient un jeu. Je me bourre de mie afin qu'elle ne manque pas de croûtes et paierai d'une indigestion le plaisir d'éprouver la solidité de ses dents. Mais je suis vaincu par Mademoiselle Marguerite. C'est elle qui mange le plus et fournit le plus de croûtes. Son nez respire pour sa bouche en travail et pousse un bourdonnement continu. Je l'entends, mais je la regarde comme si je voulais le voir. Parfois elle essaie de rire. C'est un drame. Elle s'étrangle. Les bouchées remontent, ses joues s'enflent, ses lèvres s'ouvrent malgré ses efforts, et il en sort, avec un pouffement, sur sa serviette déployée toute grande, un jet de choses semblables à la râpure de corne qu'on met dans les boules de verre pleines d'eau pour imiter la neige. Chapitre 29e. Mademoiselle Marguerite. Elle a le teint comme l'ont seules quelques jeunes filles très constipées, un teint qui prend au sang toute sa substance colorante, d'une richesse inquiétante, pas naturelle. C'est une jeune fille ordinaire, jolie ou laide à 16 heures, insipide comme un garçon en robe. Elle a fait trop de pieds de nez avec son nez un peu écrasé. Elle regarde tout également intéressée, et on renfoncerait d'un coup de pouce ses yeux qui ressortent. Elle montre sa langue pour s'amuser, et dès qu'on l'en défie, avec la pointe de cette langue, elle se lèche le menton. Ah, ce n'est pas une demoiselle Mauprin. Quand elle court, la lourde natte de ses cheveux lui bat les épaules ainsi qu'un harnais d'emprunt. Elle dit à Madame Vernet, « Comme il est triste, ce monsieur. Est-ce qu'il fait toujours cette tête-là » Madame Vernet, « Ma chérie, c'est un poète, et les poètes ne sont pas des petites filles. » En effet, je conserve l'attitude du poète auquel on a mis dans l'aile, blessé à mort peut-être. Marguerite, « Mais qu'est-ce qu'il fait ici, ce monsieur, avec nous ?» J'ai cru qu'elle allait demander, « Est-ce que c'est un parti ?» Madame Vernet, « Chut, il travaille, il rêve, il pense, il fait des vers, ne le dérange pas. » Marguerite se retire, songeuse, désappointée, comme quelqu'un qui trouve les cabinets occupés. Elle va jouer seule dans le jardin. Marguerite, « Donne-moi les traînes de ta barbe, mon oncle. » Elle lui saute au cou, la tire, le courbe, l'entraîne, en marchant à genoux, ses forts mollets à l'air et roule dans l'herbe. Madame Vernet, « Je vous l'avais dit, c'est une enfant. » Henri, « Elle est heureuse, qu'elle s'amuse. Elle a le temps de souffrir. » Madame Vernet, « Pauvre amie. » Je rejoins Marguerite, pour m'amuser aussi, moi, puisque mes soupirs ne servent qu'à m'essouffler, à me donner un air de béjeune. Mais je n'ai pas de chance. Marguerite cesse de jouer dès qu'elle m'aperçoit. Je pourrais aller faire mes vers plus loin. Monsieur Vernet remarque sa gêne et lui vient en aide. Ce qu'il dit peut se traduire ainsi. Ne crains rien, c'est un poète, mouton. Je fais le gros dos afin qu'il me caresse pour rassurer Marguerite. Aussi embarrassée qu'elle, j'ignore comment on s'y prend pour parler aux jeunes filles qui ne sont plus tout à fait des poupées et qui ne sont pas encore des femmes. Je ne sais dire que des phrases sentencieuses sur la vie, ses lassitudes infinies, ses mornes désespoirs, et le désaccord existant entre les faits et nos rêves. Si je parlais d'une telle sorte à Marguerite, elle se sauverait, ou ses yeux lui sortiraient définitivement de la tête, comme le noyau d'un fruit qu'on presse. Henri, on est mieux ici qu'au couvent, hein, mademoiselle? Monsieur Vernet, mademoiselle, voulez-vous bien l'appeler Marguerite, tout court? Vous n'allez pas faire, je pense, des cérémonies avec une gamine de 16 ans. Henri, encore faut-il que mademoiselle me le permette. Marguerite, oh, moi, ça m'est bien égal. Appelez-moi comme mon oncle, si vous voulez. Au même moment, elle lui fait une démonstration. C'est chez elle besoin d'exercice. Elle le prend par un bras et le force à tourner sur lui-même. Monsieur Vernet, déséquilibré, frappe du pied sur place, se penche en arrière, perd son chapeau, sue tout de suite, crie « Veux-tu finir? Qu'est-ce que c'est ?» Marguerite tourne, suivie de sa natte comme d'une queue, sa robe va dans le sable de l'allée. Enfin, elle s'arrête. Monsieur Vernet ramasse son chapeau et la tête lourde fait effort pour s'immobiliser, retenir les choses qui continuent de tourner. « Est-elle gentille ?» dit-il. Sans répondre, je porte à mes lèvres mes 5 doigts réunis en faisceau et je les détache avec lenteur, ce qui signifie nettement un vrai beurre. Chapitre 30e. Programme. Monsieur Vernet. Nous avons 2 mois à passer ensemble. Il s'agit de bien employer notre temps. Nous ne voulons pas perdre une minute. J'ai quelques facultés d'invention. Je suis l'impresario, l'homme du petit service de la maison. Je me lève le premier, presque en même temps que la bonne. Je lui suis indispensable pour faire griller le pain, et je sonne moi-même le déjeuner, en agitant un grelot aux portes des chambres. Ces dames descendent en pantoufles, en peignoir, les cheveux ébouriffés. Les paupières de M. Vernet sont encore gonflées de sommeil. Il y a de l'eau dans ses coquilles. Je donne le programme. Premièrement, entre le premier et le second déjeuner, bain. Deuxièmement, le soir, promenade ou pêche. Je montre sur une carte d'état-major le tracé des promenades et j'ai préparé les lignes, fouillis des verres. Mais, dis-je, troublé tout à coup, il me semble que dans cette vie active et si remplie, j'oublie de faire la part de mes travaux. Madame Vernet, vous travaillerez à Paris. Monsieur Vernet, non, nous ne l'empêchons pas de travailler. Je me le reprocherai toute ma vie. Comme il s'est fait lui-même tout seul, il veut que j'arrive à la force du poignet. C'est convenu. Je m'enfermerai chaque matin 2 heures dans ma mansarde. Ma tâche accomplie, je rejoindrai mes amis sur la plage. D'ailleurs, dis-je, vexé qu'on m'ait pris au mot, il me reste la nuit. Ces dames sont inquiètes. Est-ce que je passerai mes nuits à veiller, au risque de muser la santé? C'est possible. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. On me trouve enjoué. Je ne me réserve, par jour, que quelques regards abattus et languissants à l'adresse de Madame Vernet. Je semble, au milieu d'un rire, me rappeler que je suis en deuil. Je transporte les pliants de ces dames du soleil à l'ombre, de l'ombre au soleil, selon les heures. Quand elles se baignent, je garde leurs flanelles sur le sable et leurs paniers à ouvrage. Je les installe en voiture, et leur donne la main, le bras, le genou, ce qu'elles veulent. Elles disent « merci », s'appuient à peine et rebondissent légèrement. Elles m'éventent de leur robe et mon nez bat des narines sur un rapide courant de parfum. Grâce à moi, elles franchissent des haies d'où les roses sauvages les défiaient. Nous laissons, loin derrière, M. Vernet qui s'empêtre, arrache tout, grondeur. Je me récompense au moyen d'attouchements discrets, variés, pour ne pas éveiller la pudeur qui dort. Je découpe à table, et il m'est permis d'affirmer que je préside. Je paye cet honneur en gardant les mauvais morceaux pour moi. Une fois, il ne me resta rien. M. Vernet a pris dans son assiette la moitié de sa part et l'a mise dans la mienne. Je l'ai mangé sans dégoût puisqu'on était en famille. Mais je lui passe souvent mon gras, qu'il ne se fait pas offrir 2 fois. On sait que j'aime la crème, et à chaque dessert, la bonne, mystérieusement, pose devant moi une petite terrine, dont j'enlève le couvercle en hésitant, en disant « Qu'est-ce que ça peut bien être que ça, mon Dieu ? C'est de la crème. » Bien que la surprise se renouvelle, je n'en reviens jamais. Les figures s'éjouissent, mais c'est trop de crème. Une fois de plus, on m'a pris exagérément au mot. Sans me plaindre, j'avale ma terrine d'un trait et je lutte contre un commencement de mal de cœur. La garde-robe de M. Vernet devient la mienne. Si nous rentrons mouillés, on met à ma disposition des chaussettes, une chemise, un caleçon. Il est tout neuf, allez-vous faire le difficile? Pour un jour, vous n'en mourrez pas. Je remercie, j'accepte un vieux paletot au plus, en attendant que le mien soit sec, mais je ne vais pas jusqu'au linge de dessous, pas encore, du moins. On a en moi une telle confiance qu'on m'a prié de tenir la caisse. Parfaitement. D'abord, M. Vernet ne travaille pas quand il est en vacances. Il a dit à sa femme « Tu sais, arrange-toi, je ne veux ici me mêler de rien. » Il a dit cela pour la forme, pour la galerie que je suis. Car jamais M. Vernet ne se mêle de rien, il s'en garde. Or, les comptes un peu compliqués ennuient Mme Vernet. Elle s'y perd et me crie de venir à son secours. Quand nous réglons une dépense de lait, de fruits à l'auberge, elle me passe son porte-monnaie, sans faire semblant, au moment où mes mains se trouvent, par aventure, croisées derrière mon dos. Les paysans pensent que je le tire de ma poche. Je paye et je demande avant de leur fermer. « Mesdames, voulez-vous me permettre de vous offrir encore quelque chose ?» Comme on dit au théâtre, j'entre dans la peau du bonhomme qui régale. J'ouvre ce porte-monnaie d'autrui avec une telle aisance que, par imitation instinctive, les paysans ouvrent la bouche en même temps. Il m'arrive de le mettre dans ma poche jusqu'au prochain débours. On ne songe pas à me le réclamer. Je marchande, je fais des économies, je calcule comme un régisseur ladre par intérêt, et pour ma peine, je m'accorde le mérite de ne point grappiller, de ne pas me rendre coupable de la moindre petite volerie. Chapitre 31e, à Tom Crochu. Et jamais été plus heureux que maintenant. Je me soude au Vernet, assez grillard pour M. Vernet, qui aime les discours de gaillardise, assez sentimental pour Mme Vernet, qui parle toujours de son âge et ne le dit jamais, assez gamin pour faire coucou avec Marguerite. Je me propose de mener à bonne fin la pleine conquête de ces trois êtres, de les rendre miens, d'en extraire ce qu'ils pourront me donner de sucre. Je tirerai d'eux une béatitude temporaire. Par une dernière pusillanimité d'esprit, je n'ose pas compter franchement ce que me fourniront ces dames, mais je fixe l'apport précis de M. Vernet. Il sera le danger avec lequel on joue, sans gros risque. Il n'est guère défiant. Sa présence me gêne moins qu'un souvenir. Je le craindrais davantage s'il était mort. Quelquefois je m'efforce, par amusement, de faire naître en moi contre lui une jalousie factice. J'ai beau me le représenter dans le même lit que sa femme, il ne me fait pas l'effet de coucher avec elle. Dupe encore d'un mirage, je ne vois pas M. Vernet, mais le mari de mes lectures. Je m'imagine en bonnet de coton, la bouche ouverte. Il s'endort tout de suite et ne se réveille que pour sauter sur la descente de lit. Lui et sa femme se trouvent côte à côte par hasard. Ils ne se touchent pas. Il y a entre eux de la place pour un. Elle ne le voit que de dos et peut laisser trembler ses deux seins à l'air, sans péril. Ainsi, je m'arrange un mari commode, selon mes besoins, et ma jalousie ne veut pas venir. Chapitre 32e, théorie. Mon mari n'est pas faux de toutes pièces, et vraiment, M. Vernet prend de sa femme une part autre que la mienne, celle que je désire. Il pense qu'on doit respecter la mère des enfants qu'on a ou qu'on pourrait avoir. M. Vernet. Physiquement parlant, doit-on traiter sa femme comme une maîtresse ? Henri. Je ne suis pas marié. M. Vernet. Innocent. Ferez-vous à votre femme ce que vous faites à vos maîtresses ? Henri. Dame, si elle veut. M. Vernet s'arrête, me regarde. Je suis sérieux. Il reprend sa promenade et de temps en temps plante sa canne en terre comme pour jalonner ses paroles. M. Vernet, écoutez-moi, mon ami. J'ai plus du double de votre âge. J'ai le droit et même le devoir de m'écrier. Ne faites pas ça. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Henri, ça quoi ? M. Vernet, vous m'entendez bien. Marié trop jeune, je n'ai jamais eu de maîtresse. Mais je sais... Et vous le savez mieux que moi, gredin, quelle liberté on peut prendre avec une fille. Or, gardez-vous de croire que votre femme est une fille. Voilà ce que je tenais à vous dire. Henri, une femme est une femme. Monsieur Vernet, erreur. Et avec le mariage, la caresse devient une chose grave. Ah, certes, personne dans un fumoir, dans une réunion d'esprit libre, dans un aparté de sexe fort, ne goûte plus que moi les confidences graveleuses où l'obscénité s'en donne à cœur joie. Je confesse qu'il m'est agréable, comme à tous les honnêtes gens d'ailleurs, de me débarbouiller à mon heure avec un peu de fange. Je m'offre une petite débauche pour rire, et n'en suis que plus rangé après. Mais ne badinons pas, s'il vous plaît, avec le saint amour du ménage. Ma femme m'adore, et je l'aime. Eh bien, je puis vous affirmer que, hors ce qu'il faut savoir, elle ne sait rien de rien. Henri, merci. Monsieur Vernet, tenez, il me vient à l'esprit une comparaison juste et poétique que je vous engage à méditer non seulement comme écrivain, mais encore comme moraliste. La pudeur de la femme est un mur mitoyen. N'allez pas, imprudent, le dégrader vous-même, car il s'effritera, à la longue fera brèche, et les voisins entreront chez vous. Henri, délicieux. Monsieur Vernet, oh, pas d'illusion. Il faut compter avec la perversité instinctive de la femme. Elle a des curiosités, elle pose de petites questions, elle furette et met son joli nez partout. Plus d'une fois, Madame Vernet m'a tâté sur ce terrain. Mais j'ai si bien fait la bête qu'elle a fini par n'y plus penser. Henri, et vous, Monsieur Vernet, est-ce que vous avez aussi fini par n'y plus penser? Monsieur Vernet, vous voudriez me faire avouer mes frasques. Il les avoue et en invente. Il se noircit par fausse honte. Mais je ne crois pas à ses vices. Et je voudrais serrer la main de cet homme qui n'a sans doute jamais embrassé sa femme sur le ventre. Chapitre 33e. Le navet. J'aime entendre M. Vernet me parler de Mme Vernet. Il la fait goûter par avance, communique dans l'oreille des renseignements précis, posément, comme s'il voulait donner le temps de prendre des notes. Toutefois, soucieux de la respecter même absente, il se contente de la décolleter, lui déshabille le buste au plus et n'insiste que sur ses qualités morales. « Elle vaut mieux que moi, » dit-il sans envie. Il ne lui tient jamais tête et la cite comme un auteur célèbre en lui rendant hommage. Sa manière de l'aimer m'attendrit, me rend scrupuleux. « Oh, Madame Vernet, n'abuse pas. » Peut-être se sent-elle si supérieure que cela lui est égal. Jamais elle n'oblige M. Vernet à mesurer la distance intellectuelle qui les sépare, et plutôt elle le fait valoir. Madame Vernet. Mon mari trouva cette toile si belle que je lui dis « Achète-la, va !» Tenez, voilà un article de journal que mon mari déclare très bien. Monsieur Vernet s'y trompe lui-même. Henri. Vous aimez les tableaux ? Monsieur Vernet. J'en raffole. Et il cause peinture de façon à faire pleurer un peintre. Car dès qu'il a dit « Est-ce rendu, hein ?» son sens critique s'arrête net, comme pris dans une ornière, embourbé. C'est surtout devant moi que Monsieur et Madame Vernet se font petits, en s'opposant l'un à l'autre. Ils rivalisent d'humilité. Mais Madame Vernet est de première force. Elle porte la culotte sous sa robe. On ne voit rien. Le ciel ne lui a pas donné d'enfant, sans doute parce qu'elle avait déjà un mari. Elle le dorlote, lui change elle-même son tricot. De ma chambre, à travers le plancher, j'entends Monsieur Vernet. Blanche, fais-moi mes ongles. Elle montre, en toutes circonstances, même quand il en est besoin, le dévouement d'une religieuse garde-malade. Ce matin, j'ai dû la consoler. Elle pleurait, assise sur le banc de la butte. Henri, qu'est-ce que vous avez, chère madame? Madame Vernet, rien. Henri, je m'en vais. Madame Vernet, oh, vous pouvez rester, car enfin, si je pleure, c'est à cause de vous. Madame Vernet, en larmes, n'est plus jolie. Elle fait une vilaine grimace enfantine et devrait apprendre à pleurer avec grâce. Henri. De moi, madame, je n'y suis point. Madame Vernet. Oui, hier soir, à table, dessert. Au moment où tout est permis, quand on se jette des serviettes à la tête en faisant les fous, sans songer à mal. Il paraît que je vous appelais navet sculpté. Henri. Très drôle. Vous me faites rire. Et pourtant, je n'en ai pas envie. Madame Vernet. Alors pourquoi riez-vous? Alors mon mari m'a grondé, alors je lui ai dit que c'était pour rire. Il m'a répondu qu'on ne plaisantait pas avec ces choses-là, que je vous avais fait de la peine, qu'il en était sûr, qu'il l'avait bien vu. » Madame Vernet a le hoquet. Les mots sortent difficilement, un à un, et elle multiplie les « alors » en petite fille anonnante. J'hésite. La délicatesse de M. Vernet me touche, si les larmes de Madame Vernet me chagrinent. Henri. Mais, chère madame, c'est de la vraie douleur que vous éprouvez. Calmez-vous. Je ne me souviens pas de votre spirituel bon mot. Et puis, êtes-vous sûr d'en être l'auteur? Je l'avais déjà entendu quelquefois. C'est une expression consacrée, bien que le mot marron soit ordinairement employé. Madame Vernet. On ne se moque pas des gens comme vous le faites. Henri. Cette manière en vaut une autre. Je vous affirme que vous ne m'avez pas froissé. Je prendrais même votre saillie comme une flatterie, si elle n'avait été l'occasion d'un incident fâcheux entre vous et M. Vernet. Sa sévérité m'étonne, mais si quelque chose me peine, c'est de vous voir dans un tel état, en mon honneur. Je vous demande pardon. Madame Vernet, c'est moi qui vous demande pardon, ça m'a échappé. Henri, non, faites excuse, c'est moi, j'y tiens. Madame Vernet, ah, mon mari a l'air bon, il l'est, le plus souvent, presque toujours, mais au fond, c'est un homme de fer. Et quand il grossit sa voix, je passerai par un trou de souris. Henri, vous exagérez un peu. Madame Vernet, je vous assure qu'il y a chez cet homme des sautes d'humeur telles qu'il franchirait tout, d'un bond, en me broyant. Henri, prenez garde, madame, séchez vos yeux, voilà l'homme de fer qui monte. Monsieur Vernet, qu'est-ce que tu as? Sa voix est grosse, en vérité, mais bonne. Je me tiens sur la défensive, prêt à empêcher une rencontre. Henri, franchement, vous avez été dur pour elle. Votre fin d'étonnement ne trompe personne. Je sais tout, le navet. Monsieur Vernet, quoi, elle y pense encore? Ma Blanchette, tu n'es pas raisonnable. Jugez-en, monsieur Henri. Elle me dit, cette nuit, craintive, collée à moi. J'ai eu la comparaison malheureuse. Monsieur Henri s'en formalisera. Je réponds, baste, monsieur Henri n'est pas susceptible. Elle reprend, tout de même, cela n'a pas dû lui plaire. Ah, fais-je, c'est autre chose. Elle continue, se tourmente, m'accable de ses « crois-tu, quelle est ton idée? Mets-toi à sa place. » Elle m'ennuie, elle dit des bêtises au lieu d'en faire, jusqu'à ce que je m'endorme. Voilà tout. Vous lui en voulez? Fouettons-nous le chat? Henri. Lui en vouloir? Mes braves amis, vous chatouillez ma vanité juste au creux, et mon être se lève ainsi qu'une pâte fermentante. Nous nous demandons pardon tous les trois, l'un après l'autre, ensuite en cœur. Madame Vernet a satisfait le besoin qu'elle avait de pleurer. Nous nous tenons les mains, comme si nous voulions danser en rond, et le plus ridicule des trois n'est pas celui que chacun pense. Monsieur Vernet, ma parole, je crois que la femme a la sensibilité des balances dont on se sert pour peser l'or. En ce qui le concerne, il déclare se moquer comme d'une guigne de l'an 40 ou de sa première chemise, de la beauté des hommes. Il faut et il suffit en effet qu'un homme soit intelligent. Or, M. Henri pourrait porter du mérite au marché, etc., etc. M. Vernet aplatit mon amour-propre en maniant le compliment comme une demoiselle en bois sur une aire de grange. Henri, hélas, je sais que je suis laid. M. Vernet, c'est affaire de goût, moi je vous trouve beau. N'est-ce pas, Blanche, qu'il serait plutôt beau? Henri, vous croyez? Je montre mon visage comme un habit de confection. On m'affirme qu'il ne m'irait pas mieux s'il avait été fait sur mesure. Madame Vernet, tenez, ces termes qui me viennent à l'instant rendront ma pensée avec exactitude. Vous êtes beau de laideur. Je souris éperpié dans ma mélancolie. Aucune sonde n'en toucherait le fond. Un mouchoir imbibé d'eau fraîche éteint les dernières piqûres de rouge aux paupières de Madame Vernet. Henri, allons, faites la paix. Je pousse M. Vernet et lui donne de petites tapes dans le dos. Sur la pointe du pied, en équilibre instable, il résiste et ne comprend pas. Henri, mais allez donc, seriez-vous implacable? Du doigt, je lui désigne un point sur la joue de Madame Vernet, entre le coin de la bouche et le lobe de l'oreille. M. Vernet, comment, vous voulez? Henri, mais oui, quel homme ulcéré vous faites, il est l'heure de vous désenvenimer. Je crois que vous rougissez, faut-il que je me retourne? M. Vernet se décide, embrasse l'endroit indiqué, comme il est prescrit. Henri, bien, à l'autre joue maintenant. Et M. Vernet recommence.